Je le savais, un jour ou l'autre, Monsieur X reviendrait sur son sujet de prédilection, l'espionnage et le monde du renseignement. Donc ce soir-là, nous nous trouvons à nouveau de part et d'autre de la grande table de la salle de conférence de cette société d'import-export où nous avons désormais nos habitudes. Et avant que je ne branche mon magnétophone, Monsieur X me pose une curieuse question. Savez-vous, me dit-il, ce qu'est un illégal dans le petit monde du renseignement? Et devant mon ignorance, de m'expliquer que selon le jargon du KGB, ce mot illégal désigne un agent qui n'appartient pas à la sphère diplomatique, c'est-à-dire un agent qui ne bénéficie pas de la protection attachée à la fonction de diplomate. Et on sait que pendant longtemps, mais peut-être est-ce toujours le cas, les ambassades russes ont été des viviers d'espions, puisqu'on a même estimé qu'un tiers du personnel diplomatique de certaines ambassades appartenait aux services secrets. Un illégal, c'est donc un clandestin immergé dans un pays hostile et donc particulièrement vulnérable. Avant d'être envoyé en mission dans ce pays, on lui a fabriqué ce qu'on appelle une légende. Une légende, c'est une histoire, un passé, une identité, une vie en somme. Le futur agent apprend par cœur cette vie nouvelle que son service lui a construite. Parents, études, métiers, affinités, amour. Pendant des semaines et des semaines, parfois des mois, il se familiarise avec ce nouveau lui-même, jusqu'au jour où, enfin, on le juge prêt à plonger dans la clandestinité. Il part alors vers le pays qu'on lui a désigné, non sans faire de nombreux détours pour brouiller les pistes. D'après Monsieur X, mais sur ce point, je lui fais entièrement confiance, la formation d'un illégal est un investissement lourd pour un service de renseignement, car ces agents, qui ont d'abord reçu une formation classique d'espions, vont vivre pendant longtemps dans leur nouveau pays sans produire de résultats. Il leur faudra progressivement s'intégrer et trouver, sans donner l'éveil, un point de chute où enfin ils pourront avoir accès à des informations intéressantes. Autant dire que ces illégaux sont donc relativement peu nombreux, même si certains pseudo-spécialistes ont présenté des chiffres ahurissants. Enfin, mais nous allons y revenir avec Monsieur X, il y a la délicate question de la transmission des informations recueillies, puisque ces agents ne peuvent avoir en aucun cas des contacts avec leur ambassade. Monsieur X, vous l'avez compris, a donc choisi de nous raconter, de me raconter l'histoire de l'un de ces illégaux, un homme tout simple qu'on appelait Pierre Cardo. C'était tout au moins le seul nom sous lequel on le connaissait. On embrasse les platanes, masse à gauche, tagne à droite et à gauche à droite. Un essuie-glace, un paquet de cool, un badge avec un screen dessus qui coule, une barre de et les platanes, masse à gauche, tang à droite, et à gauche à droite. Un numéro de Superman, un écrou de chez Paco Rabanne, une photo de Marilyn, un tube. Mustang et bang en enfance les platanes, masse à gauche, tang à droite et à gauche à droite. Rendez-vous avec X sur France Inter en compagnie de Patrick Pénaud. Écoutez, je vais vous dire une chose, on devrait se méfier beaucoup plus souvent des gens sympathiques. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Oh, rien de plus que ce que je vous dis, là. Bon, si vous aviez connu dénommé Pierre Cardot, vous auriez peut-être pensé comme moi. Parce que vraiment, ce type, on avait envie d'en faire un copain. D'ailleurs, partout où il était passé, il s'était fait des copains. C'était bien ça, la question. Ouais, alors, pour être espion, au fond, il faut avoir l'air sympathique. Je crois que ça vaut mieux, oui. Et ce qui est le pire, dans le cas de Cardot, c'est qu'il ne faisait pas semblant, il était vraiment sympathique. Ça veut dire que vous l'avez rencontré? Oui. Malheureusement, c'était après son arrestation. Et vous imaginez bien que nos relations n'ont pas eu le caractère foncièrement confiant et chaleureux que j'aurais souhaité. Ouais. Physiquement, il était comment, ce Cardot? Petit bonhomme, avec un grand front d'intellectuel, une poignée de cheveux roux sur le sommet du crâne. Une tête d'honnête homme, je vous assure. Des traits réguliers, un regard franc. Bah, je vous le dis, vraiment sympathique. Oui, d'accord. Bon, si on prenait les choses par le début. Hein. Comme vous voudrez. Alors, il faut remonter à 1957. Cette année-là, il arrive à notre ambassade, à Prague. Une lettre particulièrement émouvante. C'est un jeune homme qui écrit. Il raconte sa vie. Sa mère, de nationalité française, est morte en 1939. Son père l'a abandonné, il a disparu. Depuis la mort de sa mère, l'orphelin a été élevé dans une famille d'accueil, celle d'un professeur de français, ce qui explique ses bonnes connaissances dans notre langue. Il dit encore avoir fait de bonnes études, mais il ne se sent pas chez lui dans ce pays communiste. D'ailleurs, on le lui a bien fait sentir, il est un étranger. Alors, il rêve d'une autre vie, une vie libre, dans son pays de cœur, c'est-à-dire la France. Et bien sûr, donc, la lettre était signée Pierre Cardot. Hein. Naturellement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas semblable? Ben, les services de l'ambassade font les vérifications nécessaires. D'abord, ils étudient la lettre du jeune homme. Elle n'est pas mal rédigée, même si elle est émaillée de certaines tournures maladroites ou de quelques fautes d'orthographe. Bon, en tout cas, son auteur maîtrise bien notre langue et c'est l'essentiel. Ouais, j'imagine que ça ne suffit pas quand même. Bien sûr. Alors, on convoque Cardot. Le jeune homme apporte toutes les pièces dont il dispose. Et d'abord un livret d'apatride qui porte mention de l'origine française de sa mère. Et puis, il y a aussi des vieux papiers, des certificats établis avant-guerre par des curés dans la région des Sudètes. Donc, les Sudètes, donc une région occupée par les nazis, oui, bien avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Oui. Je vous laisse imaginer dans quel désordre se trouvaient après-guerre les services d'État civil de toutes ces bourgades bouleversées par la guerre. Oui. Mais donc à l'ambassade, en tenant compte là, de ces Sudètes, on ne se méfie pas un peu? Bon, bien sûr, mais enfin, on ne peut tout de même pas donner la nationalité française à ce jeune homme simplement sur sa bonne mine. Alors on s'adresse à Paris. Objectif, retrouver la trace de la grand-mère de Cardot, parce que d'après Cardot, c'est elle qui a quitté la France à la fin du siècle dernier. Et on trouve, dans je ne sais plus quel village bourguignon, elle s'appelait Marie Cardot. Et un beau jour, elle avait quitté mari et enfant pour aller vivre dans l'ancien empire austro-hongrois. Une histoire tout à fait romanesque, oui, dont Cardot, d'ailleurs, lui-même, ne connaît que quelques bribes. La grand-mère aventureuse, et qui avait sans doute la cuisse légère, enfin on le suppose, avait fait une rencontre d'où était née Thérèse, la mère donc de Cardot. Et Thérèse elle-même, reproduisant le schéma maternel, avait eu un fils illégitime, Pierre. Pas très simple, quand même. Non, enfin plausible. Parce que Marie Cardot, la grand-mère, a vraiment existé, c'est incontestable. Conclusion? Ben, au bout de plusieurs mois, Paris donne le feu vert et le consulat de France à Prague délivre à Cardot un magnifique passeport tout neuf. L'aventure peut donc commencer et elle va être surprenante. nappe noire mouillée torrent pas, et moi je ne pouvais qu'apercevoir que toutes les nuits j'en avais envie, que je marchais dans des lieux écartés, que j'avais peur de passer dans ce monde. J'ai retrouvé la lettre que Cardo a envoyée à l'ambassade de France à Prague. Elle a été publiée par un ancien fonctionnaire de la DST, Jean-Paul Mauria. Je vous en lis quelques extraits en respectant bien sûr les fautes de style. Ma mère était française par nationalité et a décédé en 1939. Depuis mon enfance, j'ai été élevée par des gens étrangers. J'ai étudié jusqu'à mes 21 ans, c'est-à-dire 8 ans d'école, gymnase, et 3 ans de la faculté de droit de Prague. Après cela, j'ai travaillé dans divers chantiers qui ne me plaisaient pas du tout et qui ne répondaient pas à mon éducation. Depuis mon enfance, je n'ai reçu aucune nationalité. Les bureaux tchécoslovaques me traitent comme étranger, et d'après cela, j'ai beaucoup de difficultés. À présent, je suis devant deux questions, et c'est ou recevoir la nationalité tchèque, ou bien demander chez vous la nationalité française. Je suis français d'après ma mère, ma sympathie est plus grande envers la France qu'envers la Tchécoslovaquie, parce qu'ici, je ne me sens pas chez moi. Mon désir, c'est de vivre d'une vie libre. C'est pour ça que je viens auprès de vous pour vous prier de m'aider ou de me donner des conseils. Mais reprenons maintenant mon entretien avec M. X. Puisque vous m'avez dit dès le départ que Cardo est un agent, un illégal, hein, on peut peut-être, avant de poursuivre, essayer de savoir comment le KGB a procédé. Alors, pas le KGB, mais le STB, le service tchèque, un service frère, si vous voulez. D'accord, bon, c'est presque pareil. Alors, comment ont-ils fait ? Bon, tout simplement et très intelligemment, ils ont épluché systématiquement les registres recensant les étrangers. Et ils sont tombés sur cette Marie Cardo, dont la vie mystérieuse pouvait donner lieu à n'importe quelle construction romanesque. Et à partir de là, ils ont fabriqué, totalement fabriqué une histoire, comme l'aurait fait n'importe quel écrivain. Et puis surtout, ils ont eu l'astuce de confier le rôle à Cardo. Cardo, cet agent tellement sympathique. Bon. Alors, on reprend, hein. Muni de son beau passeport, là tout neuf, devenu citoyen français... Pierre Cardo rejoint donc son nouveau pays, la France. Exact, exact. Et là encore, il faut souligner l'extrême habileté des services tchèques. Car ils n'ont pas choisi n'importe quel pays. La France, ne l'oublions pas, est alors en guerre. En guerre. Eh oui, la guerre d'Algérie. Même si, à l'époque, on ne voulait pas avouer qu'il s'agissait d'une vraie guerre, mais de simples opérations de pacification, comme on disait. Mais alors, je comprends pas. Pourquoi est-ce particulièrement habile de choisir un pays en guerre ? Mais parce que Pierre Cardo... étant un jeune homme et qu'inévitablement devenu français, il va devoir effectuer son service militaire. Et donc, selon toute probabilité, partir en Algérie. Comprenez maintenant ? Il lui fallait vraiment avoir envie de devenir français. Et ça, alors, ce choix de la France payée en guerre, enfin, en Algérie, ça faisait partie du scénario imaginé par les Tchèques ? Incontestablement. Mais ils étaient très forts, hein, ces types-là. Ils ne laissaient absolument rien au hasard. Donc, Cardo est en France, à Paris. Et que fait-il à Paris ? Eh bien, comme tout émigré, il cherche d'abord une petite chambre, puis... il s'inscrit à la faculté de droit, car il compte bien reprendre ses études. Et enfin, il va s'inscrire à la gendarmerie, car il sait bien qu'un jour ou l'autre, il devra accomplir son service militaire. Et l'argent, comment il vit ? Il a fait transférer ses économies dans une banque parisienne. Bon, pas une grosse somme, mais suffisamment pour vivre quelques mois tranquille. En fait, je pense que c'est l'argent des services tchèques, ça. Bien sûr, mais par prudence, on lui a donné très très peu. Hein. Enfin, suffisamment, en tous les cas, pour ne pas attirer l'attention. Ouais. Avant de partir, est-ce qu'on lui a confié une mission précise ? Non. Non, non, il doit improviser et se plonger dans la société française, se faire sa petite place tranquillement, discrètement, avant de trouver enfin un emploi où il sera utile. Ça ne va pas être très difficile. Non seulement parce que Cardo, nous l'avons dit, est intelligent, mais surtout parce qu'il a des talents très recherchés. Il parle et écrit à la perfection le russe et le tchèque. Et en cette période de guerre froide, vous l'avez deviné, c'est quand même intéressant. Ses employeurs ne l'ignorent pas. Et ça aussi, ça fait partie du scénario. Ben bien sûr, et vous allez voir que les choses vont aller très vite. D'abord, il y a pour Cardo cet inévitable service militaire. Premier coup de chance, Cardo ne part pas pour l'Algérie, non. En raison de ses connaissances linguistiques, on l'envoie en Allemagne. Et là, il est affecté dans un centre d'écoute de l'armée de l'air basé à Bade. C'est un centre d'espionnage ? En quelque sorte, oui. Pour Cardo, il s'agit d'écouter, donc de traduire, les communications échangées à l'Est par les pilotes et les contrôleurs du ciel. Et Cardo fait merveille. Il donne entière satisfaction. C'est un collaborateur dévoué, à l'esprit agile. On ne tarit pas d'éloges sur son travail. C'est tellement vrai qu'à la fin de sa période légale de service militaire, ses supérieurs lui demandent de rempiler. Ouais, j'imagine que là où il va tout de suite rempiler, non ? Non, parce que l'espion, Cardo, vise plus haut, mais beaucoup plus haut. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons poursuivre avec Monsieur X la relation de l'histoire de Pierre Cardo, agent tchèque, un illégal, comme on dit dans le jargon des services spéciaux de l'Est. Je me suis référé à un livre d'entretien captivant, « Les visiteurs de l'ombre », paru chez Grasset, écrit par Marcel Chalet, un ancien patron de la DST, et le journaliste Thierry Volton. Ce dernier demande à son interlocuteur quelle est la différence entre un agent dormant et un illégal. Marcel Chalet répond. Parmi les illégaux, certains sont envoyés en mission pour simplement s'implanter dans le pays visé en prévision d'événements ultérieurs. Ce sont des agents dormants. Inactifs pendant un certain nombre d'années, ils se contenteront de maintenir un contact d'entretien avec leur centrale à des dates très espacées. Question du journaliste. Ils forment donc une véritable cinquième colonne, réponse de l'ancien policier. Si l'on veut, ces agents ont une idée assez précise de ce que pourrait être leur futur objectif. Pour cette raison, ils s'implantent dans des zones stratégiquement intéressantes. Des agents qui ont donc une idée assez précise de leur objectif futur. À l'évidence, cette définition correspond à Cardo, si l'on en croit Monsieur X. Quand vous dites que Cardo vise plus haut. Oui, c'est vrai que c'était déjà pas si mal d'avoir été versé dans ce centre militaire d'écoute. Et surtout d'avoir conquis la confiance de ses responsables, des officiers supérieurs de l'armée de l'air. Mais c'était pas suffisant. Les renseignements recueillis par Cardo étaient vraiment trop minces. Alors, attendez, déjà à cette époque, donc dans ce centre d'écoute là de Bade, hein, c'est ça, Cardo transmettait des informations à son service, le STB tchèque. Bien sûr. Et comment il faisait ? Ben ça, on a pu le savoir après, quand Cardo a été démasqué. Alors allons-y. Bon, si vous voulez le savoir, Cardo, je vous le jure, hein, était vraiment très très bien équipé. D'abord, il disposait d'un poste de radio. Un poste émetteur ? Non. Uniquement récepteur. Un simple poste de radio à peine trafiqué, sur lequel il pouvait débrancher le haut-parleur et le remplacer par des écouteurs. Ses employeurs pouvaient, comme ça, lui envoyer des messages sur onde courte. Des messages codés, bien sûr. Ouais, c'est pas très discret, ça. Ouais, sans risque. Hein. Car même si on interceptait les messages codés émis à partir de la Tchécoslovaquie, on ne savait absolument pas à qui ils étaient destinés. Je vous signale d'ailleurs que le procédé est toujours utilisé. Enfin, maintenant, on sait condenser ces messages. Ce sont des flashs sonores de quelques dixièmes de seconde. Enfin, vous connaissez tout ça. Des choses donc très difficiles à détecter, maintenant. Bon, ce poste de radio, c'était donc pour recevoir des directives. Il fallait aussi que Cardo, lui, envoie les informations qu'il avait recueillies. Et pour ça, il disposait de plusieurs procédés. D'abord, il y avait l'utilisation classique, bon, de la boîte aux lettres morte. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Vous ne connaissez pas ? Oh, c'est simple, une boîte à lettres morte, c'est un endroit qui est défini à l'avance, où l'agent dépose un message, qui est ensuite récupéré par son officier traitant. Et qu'est-ce que c'est, un endroit comme ça, là ? Ça peut être n'importe où, ça peut être une poste restante, ça peut être chez un commerçant quelconque où on dépose une lettre et un autre passe le prendre. Enfin, il n'y a pas de... Ça peut être n'importe quoi, une anfractuosité dans un mur, un trou dans un arbre, une poubelle, un placard dans les lavabos d'un café, enfin bref, j'en passe. Et tout ça, avant de déposer son message, l'agent doit repérer un certain nombre de signes qui lui indiquent que la voie est libre. Idem pour l'officier traitant. Enfin, Cardo avait d'autres trucs à sa disposition. Il utilisait, par exemple, du carbone blanc. Ça, je ne connais pas non plus. Hein. Bon, bah, c'est une feuille blanche, apparemment tout à fait normale, mais on peut y écrire sans laisser de traces. Tout ça parce qu'elle a été traitée avec un produit chimique. C'est un autre produit qui permet au destinataire de lire cette écriture invisible. Cardo utilisait encore des cartes postales spéciales dont la surface était semblable à une pellicule photographique. Hein. Bon, une pellicule qu'on pouvait impressionner et qui était révélée par le destinataire. Bon, vous voyez que les espions de cette époque disposaient déjà de pas mal de procédés de communication. Ouais, c'était assez sophistiqué. Et alors, on a trouvé tout ça chez Cardo. Oui, mais alors ce qui a été décisif pour le confondre, c'est un simple bloc de papier. Allez, racontez. Eh bien, un des techniciens de la DST a eu la curiosité de s'intéresser à ce bloc, qui apparemment était vierge. Et c'est en examinant les feuilles qu'il a trouvé des traces de foulage. De foulage. Alors, je vous explique. Quand vous écrivez sur un bloc ou sur une liasse de papier, vous laissez forcément une trace en creux sur les feuilles qui se trouvent en dessous. Des traces qui sont apparemment invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent être très facilement révélées grâce à un procédé technique assez ingénieux. Et si vous saviez le nombre de maîtres chanteurs ou de corbeaux qui ont été démasqués grâce à ce foulage... Ce foulage, donc, mais dans le cas de Cardo, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. qu'apprennent ces traces de foulage? Ben, on y a vu très nettement l'écriture d'un message chiffré. Donc à partir de là, vous imaginez bien que Cardo était coincé. Bon, vous m'avez décrit là, tous les procédés utilisés par les espions. Là. C'est le vrai vademécum du parfait petit espion. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que Cardo avait un objectif très haut placé. Alors, si on y venait enfin... Bah, écoutez, j'essayais seulement d'être précis à votre demande, je vous le rappelle. Oui, bon, vrai. Cet objectif, effectivement. Cardo a donné pleine satisfaction aux officiers de l'armée de l'air qui dirigent donc ce centre d'écoute situé en Allemagne. Mais il refuse de rempiler. Alors l'un des officiers, qui est devenu un ami, lui suggère de tenter sa chance au SDEC. Le SDEC, le service français de renseignement. Oui, et ça se comprend. Cardo est trilingue, français, russe, tchèque. Au SDEC, on a toujours besoin d'experts analystes de ce calibre. Nul doute que Cardo pourrait poser sa candidature avec de sérieuses chances de succès. C'est presque trop beau, non? Parce que enfin, j'imagine, moi, que ça doit être le rêve de tout espion, c'est d'infiltrer le service adverse. Hein. Là, je suis d'accord avec vous, mais c'était presque trop beau. Et d'ailleurs, les Tchèques eux-mêmes ont eu un réflexe de prudence. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur d'un piège quand on a proposé oui, tout ça à Cardo. En quelque sorte, ça a été presque trop vite, trop bien. Songez donc que Cardo était en France depuis à peine 4 ans. Alors ils lui ont dit « D'accord pour votre candidature au SDEC, mais alors donnez le change, postulez aussi pour un autre poste, une grande organisation internationale comme l'OCDE par exemple, une organisation où l'on peut glaner aussi d'excellentes informations. Mmh, » Il était dit que Cardo devait aller au SDEC car sa candidature a été effectivement acceptée. Non, attendez quand même. Pourtant, il a dû avoir une enquête avant. Certainement, on n'entre pas au SDEC comme ça. Et curieusement, c'est la DST qui a fait cette enquête. Et qui a trouvé que Cardo était apte au service, ce qui prouve que sa légende, comme on dit, avait été particulièrement bien fabriquée. Pourquoi vous dites curieusement ? Parce que c'est cette même DST qui va l'arrêter, 3 semaines plus tard. Oui, Cardo n'aura donc travaillé que 3 semaines au SDEC. Et tout ça parce qu'un adjudant aimait beaucoup parcourir la presse internationale. À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront. Et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. La, la, la, la, la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, la, la, la, la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter, À quoi sert une chanson si elle est désarmée? J'ai cherché dans les ouvrages traitant de l'espionnage quelques rares références à Pierre Cardot. Je vous en ferai part tout à l'heure car cette affaire, effectivement, a eu une grande importance et a dépassé le cas même de cet espion démasqué par la DST. Mais je ne veux pas déflorer le propos de M. X. Alors cet adjudant? Bon, écoutez, je ne me souviens plus de son nom. Bon, peu importe d'ailleurs. Mais c'est le véritable chef du service tchèque du SDEC où a été engagé Cardot. Et pourquoi le véritable chef? Parce qu'au-dessus, il y a un chef. Enfin, il y a toujours un chef au-dessus du chef. Oui, tout à fait. Hein. Seulement, il ne parle pas un mot de tchèque. C'est quand même gênant, non? Alors c'est cet adjudant qui mène la baraque et qui, bien sûr, sympathise d'emblée avec le charmant Pierre Cardot. Ouais. Mais vous m'avez dit que cet adjudant avait surtout une caractéristique, c'est qu'il aimait parcourir la presse internationale. Oui, c'était un fouineur. Et c'est fou ce qu'on peut découvrir simplement à la lecture des journaux. 90% ou plus des informations recueillies par les services de renseignement sont là, sous nos yeux. Il suffit de les relever, de les collecter. Alors un beau jour, l'adjudant, qui est en train de lire la Gazette de Lausanne, et son œil est immédiatement attiré par un tout petit article qui raconte l'arrestation d'un espion tchèque par la police helvétique. Ouais. Permettez, moi je trouve quand même que c'est une curiosité professionnelle normale pour cet adjudant, là, ce type qui travaille au SDEC, non? Et dans la section tchèque de surcroît. Oui, vous avez raison. Mais ce qu'il découvre en lisant cet article, c'est que cet espion tchèque avait été introduit en Suisse en se faisant passer pour l'enfant illégitime d'une ressortissante suisse morte à Prague pendant la guerre. Et notre adjudant pense aussitôt à Cardot. Tout de suite. Car avant d'entrer au SDEC, Cardot a rédigé un curriculum vitae très complet. Et forcément, l'adjudant, qui est son supérieur hiérarchique, a lu le document. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce futé d'adjudant? Il fait arrêter Cardot? Non, parce qu'à ce moment-là, il n'a qu'une intuition, mais il n'y a pas de preuve. Et c'est là que la DST va intervenir. Alors, on va filer Cardot, surveiller ses relations, Non, on va faire encore plus simple. Cardot est donc employé au SDEC. Bon, un emploi très sensible. Comment pourrait-il s'étonner que la DST, c'est-à-dire le contre-espionnage, fasse une petite enquête supplémentaire de sécurité, la routine, quoi. Et quand les policiers de la DST frappent chez lui, bah, il les accueille avec le sourire, ce bon sourire du si sympathique Pierre Cardot. Et il les autorise par écrit à perquisitionner chez lui. Ouais, mais les choses vont se gâter assez vite. Ouais, très vite. Il y a d'abord la découverte de ce poste de radio. Tiens, vous avez branché des écouteurs? C'est bizarre. Cardot blêmit. Mais il tient encore le coup. Et la perquisition continue. Les policiers fouillent tout, ramassent, cartes postales, feuilles de papier, blocs. Cardot essaie toujours de sourire, mais c'est de plus en plus difficile. Et soudain, il craque. Il se tourne vers le lavabo et fond en larmes. Oui, il pleure, comme un gosse. Et ça, Monsieur Pénaud, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. S'il pleure, c'est parce qu'il sait qu'il est sur le point d'être démasqué. Non, il pleure parce qu'il est vraiment sympathique, Pierre Cardot. Il pleure parce qu'au fond, il était heureux en France. Et qu'il sait que tout ça, c'est foutu. Ses amis, ses relations, tout ce petit monde chaleureux qu'il avait tissé autour de lui, terminé. D'accord, mais ce Cardot, c'était quand même un espion. Ouais, un espion heureux, je vous le dis. Ouais. Je savais que je crois que c'est les Juifs qui disaient autrefois « heureux comme Dieu en France hein. ». Mais « heureux comme un espion en France », je ne connaissais pas. Et savez-vous, il y a encore autre chose d'extraordinaire. Confondu, Cardot a presque immédiatement avoué qu'il travaillait pour les Tchèques. Mais jamais, il n'a voulu admettre qu'il n'était pas le petit-fils de Marie Cardot, cette fameuse bourguignonne qui s'était autrefois expatriée pour l'Autriche-Hongrie. Il avait adopté sa grand-mère, sa fausse grand-mère. Absolument, c'est étrange, non? Enfin, pourquoi? Tout simplement parce que ce type voulait rester français malgré tout. Et pourtant, c'est ce qui risquait de lui coûter le plus cher parce qu'il était alors coupable de crimes de haute trahison. Ouais. Et on sait ce qu'il est devenu, le sympathique Cardot? Oui, il a passé quelques mois en prison et puis, comme beaucoup d'espions, il a été échangé. Au nom des bonnes relations entre services, j'imagine. Ensuite, on ne sait pas. Le sympathique Pierre Cardot rêve peut-être toujours de la France en cultivant son jardin quelque part dans la banlieue de Prague. Curieuse histoire, et qui a eu des conséquences considérables. Je cite à nouveau Marcel Chalet, l'ancien directeur de la DST. Les services de l'Est ont commis là de lourdes erreurs. Après avoir découvert un illégal ayant utilisé un certain type de légende, il nous a parfois suffi de rechercher si d'autres personnes, originaires d'Europe centrale ou orientale, avaient raconté lors de leur arrivée en France la même histoire pour découvrir d'autres illégaux nantis d'une légende similaire. À partir de Cardo, nous avons ainsi découvert plusieurs officiers du service de renseignement tchécoslovaque introduits chez nous en se faisant passer pour des fils naturels de Françaises décédées. L'un d'entre eux était entré sous le nom d'Édouard Molinier à la préfecture de police de Paris comme gardien de la paix. Il venait de passer un concours d'inspecteur lorsque nous sommes remontés jusqu'à lui. Échalait de citer d'autres exemples tout en reconnaissant quand même que la plupart ont échappé à ses services et ont été rapatriés en urgence. Dans un autre ouvrage consacré à l'espionnage, La piscine, de Roger Faligaud et Pascal Krop, ouvrage paru au Seuil, j'ai relevé une autre conséquence dramatique, celle-là, de l'arrestation de Pierre Cardo. Je résume. Un responsable de la DST a l'idée de confronter Cardo avec un transfuge tchèque du nom de Kondek. Mais peu de temps après, comme nous l'a dit M. X, Pierre Cardo, ou l'homme qui se faisait appeler ainsi, est échangé et retourne à Prague. Coïncidence. On retrouve quelques jours plus tard le transfuge Kondek, malencontreusement asphyxié. La cause apparente, un tuyau de gaz défaillant. Après tout, Cardo n'était peut-être pas aussi sympathique que cela. À samedi prochain.